chanter Noël. J'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe songe à d'autres.